بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô homme, craignez votre Seigneur, le séisme de l'heure du jugement sera une chose terrible. Le jour où vous le verrez, chaque nourrice oubliera le nourrisson qu'elle allaitait, et chaque femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras comme les gens paraîtront ivres, ô Mohammed, alors qu'ils ne le seront point. Car le châtiment de Dieu sera épouvantable. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. Parmi les gens, il y en a certains qui discutent au sujet de Dieu sans avoir aucune connaissance, et ils suivent tout diable rebelle. Il a été décrété au sujet du diable qu'il égarera quiconque le prendra pour allié et qu'il le guidera vers le châtiment du feu. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Ô homme, si vous doutez de la résurrection, sachez que nous vous avons créé de poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'un caillot sanguin, puis d'un embryon bien formé ou informe, pour vous montrer clairement notre puissance. Et nous déposons ce que nous voulons dans les matrices jusqu'à un terme fixé. Et par la suite, nous vous en faisons sortir à l'état de nourrisson, puis nous vous faisons grandir afin que vous atteigniez votre pleine maturité. Et parmi vous, certains meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent à un âge si avancé qu'après avoir eu tant de savoir, ils ne savent désormais plus rien. Et tu vois, ô Mohammed, que lorsque la terre est stérile et que nous y faisons descendre la pluie, elle frémit, se gonfle et fait pousser toute espèce de splendides végétaux. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Il en est ainsi parce que Dieu est la vérité même, c'est lui qui redonne vie aux morts et qui a le pouvoir sur toutes choses. Et l'heure viendra, il n'y a aucun doute à ce sujet, ni sur le fait que Dieu ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Et parmi les gens, certains discutent au sujet de Dieu sans en avoir aucune connaissance, n'ayant ni guide ni livre pour les éclairer, et affichant une attitude orgueilleuse pour égarer les hommes loin du sentier de Dieu. Leur lot ici-bas sera l'humiliation, et au jour de la résurrection, nous leur ferons goûter au châtiment du feu. Et il leur sera dit : voilà pour ce que vos deux mains ont préparé ici-bas. Car Dieu n'est jamais injuste envers ses serviteurs. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Et parmi les gens, certains adorent Dieu de manière hésitante, de sorte que s'il leur arrive un bien, ils s'en réjouissent. Mais si une épreuve les atteint, ils détournent complètement leur visage. Ce faisant, ils perdent tout le bien de ce monde et celui de l'au-delà. Voilà la perte absolue. Ils invoquent en dehors de Dieu ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Voilà l'égarement profond. Ils invoquent ce qui leur est plutôt néfaste que favorable, quel mauvais protecteur et quel mauvais compagnon. Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Dieu les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, car Dieu fait certes ce qu'il veut. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi ad-dunya wal-akhirati falyamdud bi sababin ila as-samaa'i thumma liqta' فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. Quiconque croit, par jalousie, que Dieu ne donnera pas la victoire ici-bas et dans l'au-delà, qu'il tende donc une corde jusqu'au plafond de sa maison et qu'il se pende, et qu'il voit ensuite si ce manège aura chassé l'objet de sa rage. C'est ainsi que nous révélons ce livre en versets clairs et que Dieu guide qui il veut. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Certes, ceux qui croient à cette révélation, les juifs, les sabéens, les chrétiens, les mages, les idolâtres, Dieu tranchera entre eux au jour de la résurrection, car il est certes témoin de toutes choses. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Ne sais-tu pas que c'est devant Dieu que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux et une grande partie des êtres humains. Mais il y en a beaucoup aussi qui méritent le châtiment. Celui que Dieu abaisse ne trouvera personne pour l'honorer. Certes, Dieu fait tout ce qu'il veut. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Voici deux groupes adverses qui disputent au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu et leur sera versé sur la tête un liquide bouillant, qui fera fondre leurs entrailles et leur peau. Il y aura pour eux des maillets de fer. Chaque fois qu'excédés de tourments, ils souhaiteront en sortir, on les y amènera et on leur dira: « Goûtez au châtiment du feu. » إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Certes, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Dieu les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d'or et aussi de perles, et leurs vêtements seront faits de soie. Les plus belles paroles leur seront inspirées par leur Seigneur, et ils seront guidés sur la voie du Tout-Glorieux. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Certes, ceux qui ne croient pas et tentent de détourner leurs semblables de la voie de Dieu et de la mosquée sacrée que nous avons établie aussi bien pour les gens qui résident tout près que pour les visiteurs et qui tentent de profaner ce lieu en y commettant de mauvaises actions. À cela, nous ferons goûter un douloureux châtiment. Quand nous préparâmes l'emplacement de la maison sacrée pour Abraham, nous lui dîmes « Ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et s'y prosternent. » وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Et appelle les hommes au pèlerinage. Ils viendront vers toi à pied ou sur le dos de chameaux efflanqués, amaigris par le voyage. Ils viendront des contrées les plus lointaines, afin d'y trouver certains avantages et invoquer le nom de Dieu au jour fixé sur la bête de troupeau qu'il leur aura attribuée. Mangez-en, leur sera-t-il dit, et donnez-en à manger aux pauvres, dénués de tout. Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits, qu'ils accomplissent leurs vœux et fassent le circuit autour de l'antique maison. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Voilà ce qui doit être observé. Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées de Dieu, Dieu lui en saura gré. Le bétail vous est licite, à l'exception de ce que l'on vous a déjà cité. Fuyez la souillure des idoles, ainsi que les paroles mensongères. Tournez-vous vers Dieu uniquement, sans jamais rien lui associer. Car quiconque joint des associés à Dieu, c'est comme s'il tombait du ciel, et que des oiseaux le saisissaient vivement, ou que le vent l'entraînait dans un endroit perdu. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Voilà ce qui est prescrit, et quiconque prend en haute considération les sacrifices institués par Dieu témoigne de la pureté de son cœur. De ces bêtes, vous tirez des avantages jusqu'à un terme fixé. Puis ils sont conduits au sacrifice près de l'antique maison. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. À chaque communauté, nous avons assigné un rituel afin qu'ils prononcent le nom de Dieu sur les bêtes de troupeau qu'il leur a attribuées. Votre Dieu est certes un Dieu unique, alors soumettez-vous à lui et annonce la bonne nouvelle aux humbles. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Dont le cœur frémit à la seule évocation de Dieu, qui sont patients face à l'épreuve, qui accomplissent assidûment la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Les chameaux, nous les avons désignés pour certains rites, et en eux se trouve un bien pour vous. Prononcez donc sur eux le nom de Dieu lorsqu'ils sont prêts à être sacrifiés. Puis, lorsqu'ils gisent sur le flanc, vous pouvez alors en manger et en nourrir le pauvre et le mendiant. Nous vous avons ainsi assujetti ces animaux, peut-être en serez-vous reconnaissants. Ni leur chair, ni leur sang ne parviennent à Dieu, seule votre piété lui parvient. Nous vous avons ainsi assujetti ces animaux, afin que vous proclamiez la grandeur de Dieu pour vous avoir guidés. Et annonce la bonne nouvelle, ô Mohammed, ô bienfaisant. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. Certes, Dieu se porte à la défense de ceux qui croient et il n'aime point les traîtres ingrats. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Dieu autorise les gens à se défendre s'ils sont agressés, et il est bien capable de leur donner la victoire. À ceux qui ont été injustement chassés de leur maison, uniquement pour avoir dit « Notre Seigneur est Dieu ». Si Dieu ne repoussait pas les gens, les uns par les autres, les monastères, les églises, les synagogues et les mosquées, où le nom de Dieu est souvent prononcé, auraient assurément été démolis. Et certes, Dieu soutient ceux qui soutiennent sa cause, et il est certainement fort et puissant. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. Et à ceux-là qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent assidûment la prière, acquittent la zakat, recommandent le bien et dénoncent le mal, c'est vers Dieu qu'aboutira toute chose. S'ils te rejettent, sache que les peuples de Noé, des Had et des Thamoud, avant eux, ont aussi crié au mensonge, de même que les peuples d'Abraham et de Lot, et le peuple de Madian. Et Moïse fut rejeté de la même façon. Par la suite, j'ai accordé un long répit aux mécréants, puis je les ai saisis. Et combien terrible fut ma réprobation. قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Que de cités nous avons détruites parce qu'elles étaient injustes. Elles sont aujourd'hui encore réduites à l'état de ruines. Que de puits désertés et que de tours imposantes désertées également. N'ont-ils pas voyagé de par le monde? Ont-ils un cœur pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont certes pas les yeux qui deviennent aveugles, mais bien les cœurs qui sont dans les poitrines qui le deviennent. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. Et pourtant, ils te demandent de hâter le châtiment, mais jamais Dieu ne manquera à sa promesse. Qu'ils sachent cependant qu'un seul jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Et à combien de cités n'ai-je pas donné de répit alors qu'elles commettaient des péchés? Puis je les ai saisis et c'est vers moi que se fera tout retour. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Dis, ô homme, en réalité je ne suis pour vous qu'un avertisseur explicite. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres recevront un pardon et une généreuse subsistance. Tandis que ceux qui s'efforcent de faire obstacle à nos signes seront les habitants de l'enfer. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui leur a été révélé, sans que Satan n'ait tenté d'intervenir, pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Mais Dieu annule tout ce que Satan suggère, et il rétablit ses révélations. Et Dieu est omniscient et sage. Afin de faire des suggestions de Satan, une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur, ou dont le cœur s'est endurci, et certes les injustes sont dans un schisme profond. إنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Et afin que ceux qui ont reçu le savoir sachent que le Coran est la vérité provenant de ton Seigneur, qu'ils y croient. Et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Certes, Dieu guide ceux qui croient vers le droit chemin. Et ceux qui ne croient pas, ne cesseront d'être dans le doute à son sujet, jusqu'à ce que l'heure les surprenne à l'improviste, ou que le châtiment d'un jour terrifiant les saisisse. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. Et ce jour-là, la souveraineté tout entière appartiendra à Dieu, qui jugera parmi eux. Ceux qui auront cru et fait de bonnes œuvres seront dans les jardins du délice, tandis que ceux qui auront refusé de croire et auront rejeté nos révélations recevront un châtiment avilissant. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. Ceux qui émigrent pour la cause de Dieu et sont tués ou meurent seront dignement rétribués par Dieu et il n'est pas de plus généreux donateur. Il les fera certainement admettre en un lieu conçu tout exprès pour leur plaire. Car il est vraiment omniscient et indulgent. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. Ainsi en est-il. Quiconque rend l'appareil à celui qui l'a agressé, et qui est ensuite victime d'une nouvelle agression, Dieu le secourra, car il est vraiment indulgent et pardonneur. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. C'est ainsi que Dieu fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Et il sait tout et il entend tout. C'est ainsi que Dieu est le vrai, tandis que ce qu'ils invoquent à sa place est le faux. Et c'est Dieu qui est le Très-Haut, le Grand. Alam tara anna Allah anzala min as-samaa'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra inna Allah latifun khabir. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. Ne vois-tu pas que Dieu fait descendre l'eau du ciel et que la terre devient vite verdoyante? Certes, Dieu est bienveillant et parfaitement informé de toutes choses. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu est vraiment celui qui se suffit à lui-même, le digne de louange. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. N'as-tu pas vu que Dieu vous a soumis tout ce qui est sur la terre, de même que le vaisseau qui vogue sur la mer par son ordre? Il retient les cieux de tomber sur la terre, sauf par sa permission. Car Dieu est plein de compassion envers les gens. Et il est miséricordieux. Et c'est lui qui vous a donné la vie, puis il vous fera mourir et vous ressuscitera. Et l'homme est certes très ingrat. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Nous avons assigné à chaque communauté des rites sacrés à respecter, qu'ils ne disputent donc plus avec toi sur ce point et appelle-les vers ton Seigneur. Tu suis certes la bonne voie. Et s'il dispute avec toi, alors dis, Dieu sait mieux ce que vous faites. Il jugera entre vous au jour de la résurrection, au sujet de ce sur quoi vous divergiez. Ne sais-tu pas que Dieu connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Tout est inscrit dans un registre, et cela est bien facile pour Dieu. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. Et plutôt que Dieu, ils adorent des divinités pour lesquelles aucune preuve n'a été révélée et dont ils n'ont aucune connaissance réelle. Et pour les injustes, il n'y a point de secoureur. Et lorsque nos révélations leur sont récitées, tu discernes immédiatement la réprobation sur le visage des mécréants. Peu s'en faut qu'ils ne se jettent sur ceux qui leur récitent nos révélations. Dis, puis-je vous informer de quelque chose de bien pire que cela ? Le feu, Dieu l'a promis à ceux qui ne croient pas, et quelle mauvaise destination. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors de Dieu seraient incapables de créer une simple mouche, même s'ils s'y mettaient tous ensemble. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils seraient incapables de lui reprendre. Solliciteurs et sollicités se révèlent aussi impuissants l'un que l'autre. Ils n'estiment pas Dieu à sa juste valeur, alors qu'il est certes fort et puissant. Allah yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. Inna Allah sami'un basir. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa ila Allah turja'ul umur. Dieu choisit des messagers parmi les hommes et parmi les anges. Il entend tout et voit tout. Il connaît leur avenir et leur passé, et c'est vers lui que tous retourneront. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Ô vous qui croyez, inclinez-vous et prosternez-vous. Adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être réussirez-vous. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Efforcez-vous en Dieu du vrai de son effort. Il vous a élu et ne vous a imposé aucune difficulté dans la religion, celle de votre père Abraham. Il vous a nommé musulman auparavant et dans ce livre afin que le messager soit un témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc assidûment vos prières, acquittez-vous de la zakat et attachez-vous fermement à Dieu. Il est votre protecteur, le meilleur protecteur et le meilleur soutien.